بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le dernier cours qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'auteur qui nous dit troisième donc chapitre, le chapitre de la pureté de l'eau, des vêtements et du lieu, ainsi que le sujet des vêtements permis durant la prière. Il dit, rahimahullah ta'ala, le prieur s'adresse à son Seigneur. Il doit donc se préparer pour cela par l'ablution ou la douche rituelle. S'il lui incombe de la faire, donc, ou la douche rituelle, s'il lui incombe de la faire. Et cela se fait avec une eau pure qui n'est pas mélangée à une impureté. Et non avec une eau dont la couleur a changé à cause d'une chose pure ou impure qui a été mélangée à celle-ci. Sauf l'eau dont la couleur a été changée par la terre qui la contient, telle que l'étang, le terrain boueux ou autre de ce genre. Tayyib. Ici, on aborde le sujet de l'eau qu'on va utiliser pour la douche rituelle, pour les ablutions, etc. Cette eau doit être pure et purifiante. Sauf que l'auteur, il nous dit, rahimahullah, que l'eau, lorsqu'elle va être altérée par une souillure, elle devient donc impure. Et il nous dit, lorsque celle-ci, elle va changer de couleur, lorsque ça, donc cette eau a changé de couleur à cause d'une impureté ou d'une chose qui est pure, même chose, elle n'est plus purifiante. Et ça, c'est un sujet de divergence. En résumé, barakallahu fikoum les frères, pour résumer tout cela, l'eau reste pure et purifiante tant que ses caractéristiques n'ont pas changé, couleur, goût ou odeur. À partir du moment où la couleur, le goût ou l'odeur de l'eau n'ont pas changé, elle reste pure et purifiante. Même si elle a été... Donc, même s'il y a une souillure qui est rentrée dans l'eau. Une souillure est rentrée dans l'eau, quelque chose qui est souillé. L'eau n'a changé ni de goût, ni d'odeur, ni d'odeur, ni de couleur. Elle reste utilisable pour les ablutions et la douche rituelle. L'eau a changé de couleur. Elle a été mélangée à quelque chose qui est pur, quelque chose qui est propre. Exemple. L'eau a été mélangée à du pain. Un gros morceau de pain est tombé dans l'eau. Ça a changé un petit peu le goût de l'eau. Il y a quelques miettes par-ci, par-là. Ça a un peu changé le goût de l'eau. L'eau a été mélangée à une toute petite quantité de riz. Ça a changé un tout petit peu la couleur de l'eau. Est-ce que cette eau-là, on peut toujours faire nos ablutions avec ou pas? La vie le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que oui. On fait la différence entre l'eau qui a changé à cause d'une impureté. L'eau qui change à cause d'une impureté, elle est impure. Sa couleur, son goût, son odeur ont changé à cause d'une impureté, cette eau est devenue impure. Cela a changé à cause de quelque chose qui est pur. L'eau est toujours pure et purifiante, utilisable pour les ablutions et la douche rituelle, tant qu'elle s'appelle de l'eau. Tant qu'elle s'appelle de l'eau. Amjad, qu'est-ce que j'ai dans mon verre? Du café. Il n'a pas dit de l'eau. Il n'a pas dit de l'eau mélangée à du café. Il a dit du café. Pourquoi? Parce que l'eau a perdu son nom. À la base, c'était de l'eau qu'il y avait dedans. On a mélangé cette eau à quelque chose de pur et propre. C'est le café. Jusqu'à ce que l'eau perde son nom. On n'appelle plus de l'eau, on appelle du café. Là, je ne peux plus faire mes ablutions avec. La couleur a changé, le goût a changé. Mais ce n'est pas ce qui est pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est est-ce que ça s'appelle toujours de l'eau? Une eau peut être mélangée à quelque chose de pur. Elle change un peu de couleur, change un peu de goût ou change un peu d'odeur, mais c'est toujours de l'eau. Elle est toujours utilisable pour la douche rituelle. Allah tabaraka wa ta'ala, concernant les ablutions, il nous dit « Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib » Vous ne trouvez pas d'eau. Alors, à ce moment-là, utilisez la terre. Et donc, il a dit, vous ne trouvez pas d'eau. C'est-à-dire n'importe quelle eau. Que ça soit de l'eau qui a été un peu mélangée ou pas, etc. C'est tant que l'eau s'appelle de l'eau et qu'elle est pure, on peut l'utiliser pour la douche rituelle. L'eau de coco. On peut ou pas? Alors, on peut faire des ablutions avec l'eau de coco? Pourquoi tu pourrais pas? Alors, les frères? Moi, j'ai dit oui. Tu dis oui? Oui. Même j'ai dit oui. Ali, tu dis quoi? L'eau de coco, c'est du jus, les frères. C'est ici en Martinique qu'on l'appelle l'eau de coco. Dans d'autres pays, ah, ils l'appellent le jus de coco. D'accord? Et l'eau de mer. L'eau de mer, on peut faire nos ablutions avec. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même. L'eau de mer, c'est l'eau de mer. L'eau de coco, c'est du jus. L'eau de coco, c'est du jus. C'est vous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'eau de mer, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Huwa tahuru ma'uhu al-illu maytatu » Tahuru ma'uhu, son eau est pure et purifiante. Il a dit concernant l'eau de mer. Est-ce qu'il a dit la même chose concernant l'eau de coco? C'est pas de l'eau, c'est de l'eau de coco. C'est pas de l'eau. Et surtout que c'est pas de l'eau, c'est du jus en réalité. C'est nous ici en Martinique, on l'a appelé eau par rapport à sa couleur. Mais c'est du jus. Et le fait que c'est un fruit, c'est pur. Ben alors à ce moment-là, fais tes ablutions avec du jus de goyave. Oui, voilà. Jus de goyave, jus de mango, jus de prune de citerne. Parce que ça reste un fruit. Non. Et donc c'est pur, mais ça n'est pas purifiant. D'accord. Et donc il faut que ça soit pur et purifiant. Donc le fait que ça soit du jus, c'est un fruit, c'est pur. Mais pour que ça soit purifiant, il faut que ça soit de l'eau. D'accord. Et là, ce sujet-là, c'est que tu viens d'aborder, on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et donc l'auteur qui nous dit, après cela, l'eau dont la couleur a changé à cause d'une chose pure qui est entrée en contact avec celle-ci est alors pure, mais n'est pas purifiante pour l'ablution. Et donc il nous dit l'eau, donc, qui est entrée en contact avec une chose pure. Sa couleur a changé, parce qu'elle est rentrée en contact à cause d'une chose pure. Elle reste pure, mais elle n'est pas purifiante pour l'ablution, ni la douche rituelle, ou encore pour enlever les impuretés. On a déjà vu, barakallahu fikoum, que la vie le plus juste, c'est que l'eau reste toujours pure et purifiante, même si sa couleur a changé, tant que ça s'appelle toujours de l'eau. D'accord? Et donc ça, c'est la vie le plus juste, contrairement à ce qu'a cité l'auteur. Et donc, on peut utiliser cette eau pour la douche rituelle et pour l'ablution. Maintenant, concernant le fait d'enlever l'impureté, personne va aux toilettes, elle va enlever l'impureté. Est-ce qu'elle peut utiliser cette eau qui a un peu changé de couleur à cause d'une pureté? Oui. Elle peut même utiliser autre que de l'eau. Tu peux même utiliser de l'eau de coco. Hein? Ou du jus de prune de citerne. Tu peux utiliser tout ce que tu veux pour retirer cette impureté tant que tu ne fais pas de gaspillage. Ce qui veut dire que ici, barakallahu fik, tant que tu ne vas pas utiliser quelque chose qui est interdit, comme le fait d'utiliser le mushaf, le fait d'utiliser donc les excréments ou les eaux, tu n'as pas le droit de te purifier avec cela. Maintenant, avec le reste, tu t'es retrouvé dans un endroit, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. La seule chose que tu peux utiliser pour te purifier, ça, pour te nettoyer tes parties, ça va être soit tes vêtements, tes propres vêtements, et donc tu vas salir tes vêtements, ou alors un peu de jus que tu avais sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu avais l'autre coco, tu utilises l'autre coco. De la même façon que si tu utilises du papier, on va te dire que c'est valable. Pourquoi on va te dire que ce n'est pas valable pour l'eau de coco? Elle est où la différence entre le papier et l'eau de coco? L'essentiel, c'est que l'impureté ne soit pas là. L'essentiel, c'est que tu aies fait disparaître et que tu aies fait partir l'impureté. Et après ça, tu es obligé de faire, comment ça s'appelle, tayammum. Tayammum? Oui, s'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, tu es obligé de faire tayammum. Toyeb. L'eau qui a été altérée par une impureté n'est ni pure, ni purifiante. Et donc l'eau qui a été altérée par une impureté n'est ni pure ni purifiante. Naam, c'est devenu une souillure. Elle a été altérée par une impureté. Et l'eau en petite quantité. Ici, l'auteur il aborde un sujet important. L'eau en petite quantité devient impure par une petite quantité d'impureté, même si celle-ci n'a pas été altérée. Ça veut dire quoi? Il nous dit on a une petite quantité d'eau. Comme ce verre que vous voyez là. On a une petite impureté qui rentre dedans. Dans ce verre. À la base, on met de l'eau. C'est plus du café, c'est de l'eau. D'accord? Une petite impureté rentre dedans. On voit l'impureté qui est rentrée dedans. Mais l'impureté n'a pas changé le goût, ni la couleur, ni l'odeur de l'eau. Elle ne s'est pas mélangée. Elle est dedans. Est-ce que l'eau est toujours valable pour les ablutions? L'auteur, il nous dit, si c'est une petite quantité, non, c'est plus valable pour les ablutions. Pourquoi? Parce que c'est une petite quantité. Et parce qu'il y a un hadith qui dit Iza balagha al-ma'u kullatayn lam yanjus. Si l'eau atteint deux kullah, c'est une grande mesure, alors cette eau ne devient pas impure. Et donc ici, le prophète, il montre qu'une grande quantité d'eau. Sauf que ce hadith n'est pas authentique. Le hadith est faible. Et donc, on reste toujours sur la même base. Qui est que tant que l'eau n'a pas changé, petite quantité ou grande quantité, tu peux me dire, moi je préfère ne pas faire mes ablutions avec. Je vais te dire, très bien, pas de problème. Mais maintenant que tu me dises, l'eau elle est impure, je vais te dire, non. Où est-ce que tu as vu que l'eau est devenue impure? Est-ce qu'elle a changé? Non. Si l'eau elle change, ok d'accord, je suis avec toi. Elle n'a pas changé? Non, elle est toujours pure. Et purifiante. Maintenant, si tu me dis que tu n'arrives pas à faire tes ablutions avec, je te dirais, ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu n'es pas obligé de faire tes ablutions avec cette eau-là, mais tu peux faire tes ablutions avec une autre eau. Mais de là à dire que l'eau, elle est devenue souillée, non, là, il faut une preuve. Il faut une preuve. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il est sunna d'utiliser une petite quantité d'eau tout en perfectionnant le lavage. Mashallah. Tout en perfectionnant le lavage, il est sunna d'utiliser une petite quantité. Ça serait bien si on avait dans les mosquées des petits récipients, comme on a au Maghreb. Hein? Des petits récipients pour que les gens puissent faire leurs ablutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils prennent de mauvais réflexes. On laisse le robinet tourner tout le temps comme ça, pendant qu'on fait nos ablutions, sans calculer la quantité d'eau qui est dépensée. Sans calculer la quantité d'eau qui est dépensée. Ça, c'est blâmable. Le gaspillage en cela est une exagération et une innovation. Il nous dit l'auteur, rahimahullah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ses ablutions avec un moud. Un moud, c'est les mains tendues, les deux mains tendues. Et cela représente le poids d'un ritl et un tiers. Et il a fait sa douche rituelle avec un sa' qui équivaut à 4 mouds basés sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la douche rituelle avec 4 mouds. Juste 4 mouds. Et l'ablution avec un moud. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, 4 mouds, ça ne suffit pas pour l'ablution. Je ne parle pas pour la douche rituelle. Je parle pour l'ablution. Pourquoi? Parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. C'est pour ça que je dis que ça serait bien qu'on revienne, même chez nous, dans nos maisons, au récipient. Pour s'habituer, arrêter ce robinet là qui coule tout le temps, là, qu'on ne calcule pas. Même quand on prend la douche, tu allumes ta douche, chouah, le robinet qui coule. On ne calcule même pas quelle quantité d'eau on gaspille. Et donc, ça serait bien, barakallahu fikoum, qu'on reprenne les bonnes habitudes. On revient au récipient. Tu remplis ton récipient d'eau et après, tu prends ta douche avec cette eau. Comme ça, tu contrôles quelle quantité d'eau tu as utilisée pour ta douche et pour ton ablution. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin » Les gaspilleurs sont les frères des diables. Il dit sallallahu, il dit tabaraka wa ta'ala wa la tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Ne gaspillez pas, certes Allah n'aime pas les gaspilleurs. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des savants concernant l'interdiction de faire du gaspillage. Il continue l'auteur rahimahullah, il nous dit: la pureté du lieu de prière ainsi que celle des vêtements sont obligatoires. Il fut dit que ces deux obligations sont formelles, et il fut aussi dit ce qui est voulu que il fut aussi dit que ce qui est voulu par le caractère obligatoire ici, c'est qu'elles sont fortement recommandées. Et donc la pureté du lieu de prière. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu, donc il dit tabaraka wa ta'ala an tahira bayti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ar-ruk'i as-sujud. Et purifier, c'est-à-dire Ibrahim et son fils Ismaïl, de purifier la maison sacrée pour ceux qui vont y faire le tawaf, hein, ceux qui vont y rester, ainsi que ceux qui vont prier dans ce lieu sacré. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son prophète, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Donc nous devons faire attention à la pureté du lieu où nous prions, ainsi que la pureté de nos vêtements. Et la vie le plus juste, barakallahu fikoum, est que la pureté du lieu ainsi que la pureté des vêtements sont une condition pour l'authenticité de la prière comme la pureté du corps. Parce que ici l'auteur, on a déjà vu que la pureté du corps est une obligation. Ensuite il nous dit, il fut dit que concernant la pureté du lieu et des vêtements, c'est pas une obligation formelle, mais c'est recommandé. Non, la vie le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que c'est une obligation formelle, comme ce l'est pour le corps. Celui qui oublie, et qui va prier en ayant une impureté sur ses vêtements, est-ce que sa prière, elle est valable? Oui. Vous êtes d'accord? Celui qui prie, il a une impureté sur ses vêtements, mais il a oublié qu'il a une impureté. Il ne sait pas, mais après la prière, il se rappelle. Est-ce qu'il refait la prière ou pas? Non. Non. Il ne savait pas. Et donc la prière, elle est valable. Il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, d'après Abi Sa'id Ibn al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit « Bainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bi ashabihi, idh khala'ana alayhi » Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec ses compagnons, il a retiré ses deux sandales. « Fawada'ahuma ala yasarihi » Il a mis ses deux sandales à sa gauche. « Falamma ra'a dhalika al-qawmu al-qawni alahum » Lorsque les gens, ils ont vu que le prophète, il a fait ça, ils ont fait pareil. Ils ont aussi retiré leurs sandales. Et à la fin, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à retirer vos sandales ?» Ils lui ont dit, on t'a vu retirer tes sandales, alors nous aussi on a retiré nos sandales. Et c'est là qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ja'ani Jibril fa akhbarani anna bihima adha. Jibril est venu m'informer qu'il y avait donc sur mes sandales une souillure, une impureté. Dans une narration, Qadiran. Et donc, ici, le prophète il n'a pas refait la salate. Il a commencé sa salate. Il a fait certaines takbirat. Avec, il a fait donc au minimum, il a fait Takbirat al-Ihram, qui est un pilier de la prière, avec une impureté sur sa sandale. Et malgré ça, il n'a pas recommencé. Et donc ça prouve que lorsque tu n'es pas au courant, ou lorsque tu as oublié, alors la prière est quand même valable. Tayyib, maintenant en plein milieu de la prière, tu es en train de prier, et en plein milieu de la prière, tu te dis, mince alors. J'ai oublié que sur mon vêtement, il y a une souillure. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la prière tout de suite. Voilà, ça dépend de l'impureté, où est-ce qu'elle est. Si l'impureté est sur un vêtement que tu peux enlever, comme le cas de la sandale, ou alors celui qui va avoir une impureté sur son pantalon. Il a son pantalon et il a un kamis sur lui. Et là, il se rappelle que l'impureté, elle est sur son pantalon. Il peut très bien retirer son pantalon et il a le kamis qui le couvre pendant sa prière. Il va finir sa prière avec ce kamis. Il finit sa prière avec son kamis et le pantalon qui est à côté. Maintenant, celui qui a un vêtement, son impureté, elle est sur son kamis. L'impureté est sur le kamis. Tu retires le kamis, tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu ne peux pas prier comme cela. On est d'accord? Sauf si ton pantalon, il arrive à monter jusqu'au-dessus du nombril. Ah, si tu as des tricots en dessous, voilà. Et donc, si maintenant, la souillure, elle est sur le t-shirt qui est en dessous du kamis. Là, c'est mort. Là, tu dois sortir de la prière pour te changer. D'accord? Et donc, d'abord, celui qui prie dans une situation où il a une souillure, avant de sortir de la prière, il doit réfléchir, est-ce qu'il peut enlever ce vêtement, enlever cette souillure et continuer la prière? Si oui, il le fait. Sinon, il arrête la prière et il va se changer ou se nettoyer. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il est interdit de prier dans les parcs, ah, mashallah, il est interdit de prier dans les parcs de chameaux, au milieu des routes. Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, non, moi ça me rappelle vos copains. Alors, il est interdit de prier dans les parcs de chameaux, au milieu des routes, sur le toit de la maison sacrée d'Allah, ainsi que dans les salles de bain. Donc ici, c'est des bains publics. D'accord? Hammam. Hammam. Car nous ne pouvons pas garantir leur pureté. Tayyib, l'imam Malik rahimahullah rapporte d'après Jabir ibn Samura qu'un homme a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Usalli fi marabidil al-ghanam. Est-ce que je peux prier donc dans les parcs des al-ghanam? Donc ici c'est tout ce qui va les moutons, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit na'am. L'homme qui dit Usalli fi mabarikil ibili, est-ce que je prie dans les parcs des chameaux? Kolala, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, tu ne pries pas dans ces endroits-là. Une question. Non. Et donc à Paris, quand les gens bloquaient les routes, c'était pas bon alors. Dans tous les cas, c'est interdit de bloquer, de prier sur les routes en dérangeant les gens. Tu peux pas déranger les gens, tu. C'est que c'est un lieu de passage public et tu le privatises pour toi. Pourquoi? De quel droit? Si nous, les gens, ils nous font la même chose, on est sur la route et on voit qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils bouchent la route, on ne sera pas content. Pourquoi nous, on se permet de le faire sous prétexte que c'est la salat? Non, non, ça, c'est pas permis, ça. C'est pas permis. Tayyib, et donc, barakallahu fikoum, il est interdit de prier dans les parcs des chameaux. Pourquoi? Alors ici, hein? Mouton, on peut faire. Les moutons, tu peux. Chameau. Les chameaux, non, tu ne peux pas. Alors ici, pourquoi? Barakallahu fikoum. Les savants, ils ont abordé ce sujet. Pourquoi? Il y a d'autres narrations, il y a d'autres hadiths qui montrent que les chameaux sont dangereux. Et comme des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينَ » Elles ont été créées à partir des shayatines. Et donc, pourquoi? Ce qui est voulu ici, ce n'est pas qu'il y a des shayatines dans les chameaux. C'est que le chameau, il peut avoir des moments comme ça où il donne des coups de patte, etc., etc. Et donc toi, tu es en train de prier et ça peut être très dangereux pour toi. Et c'est pour ça que l'éleveur de chameaux, il est connu pour être dur. Parce qu'il est avec une bête qui elle-même, elle est dure. Contrairement à celui qui est avec lui, les moutons. D'accord? Et donc, ça, c'est pour cela, certains savants nous disent que c'est pour cela qu'il nous a été interdit de prier dans ces lieux-là. C'est parce que c'est pas parce que c'est impur, mais c'est parce que c'est dangereux pour nous, tout simplement. Et donc, il y a des textes qui montrent l'interdiction de prier dans les lieux que l'auteur a cités, sauf que le texte, un hadith, sauf que le hadith n'est pas authentique. Par contre, dans Sunan Abu Daoud, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. La terre entière est un lieu de prière, sauf le cimetière et al-hammam, le bain. Donc ce qui est voulu ici, donc la salle de bain ou le bain, ce qui est voulu, donc pas comme les salles de bain qu'on a aujourd'hui, mais c'est des bains publics. Donc ce sont dans ces endroits-là qu'on ne peut pas prier. Al-Maqbara ainsi que Al-Hammam. La majorité des savants, ils vont voir que la prière, elle est détestable dans Al-Hammam, le bain. Mais l'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam Ahmed, c'est que cette prière n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a interdit. Le prophète, il l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prière à cet endroit, ce n'est pas détestable, mais ce n'est pas valable. Ils sont, et d'ailleurs ici, barakallahu fikoum, j'avais entendu un prédicateur qui disait une fois aux gens qui sont éprouvés par leur travail et qui doivent prier dans les douches, etc. Il disait, vous êtes malikiyoun. Et donc, la vie de l'école malikite, c'est ça. Et donc, vu que vous êtes malikiyoun, vous pouvez prier dans la salle de bain. C'est détestable. Et donc, comment est-ce que tu vas accrocher les gens à une école? Accroche-les à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'accroches pas les gens à une école qui peut avoir des erreurs, que ce soit l'école malikite, hanbalite, shafi'ite, hanafite. Ils peuvent tous avoir des erreurs, les ulama. Et donc, tu accroches les gens à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit, « El-ardu kulluha masjidun illa el-maqbara wal-hammam. » Lui, il te dit, « La baissabi. » Et donc, au cher frère, barakallahu fikoum, il faut qu'on fasse très attention à cela. Et ça nous montre la faiblesse. La faiblesse qu'ont certains musulmans, hein, qui ont peur, ils ont plus peur de perdre leur travail que de respecter les principes de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Toyib, les savants sont unanimes quant au fait qu'il est interdit de prier dans le cimetière s'il y a des impuretés dans celui-ci. Ils divergent s'il n'y a pas d'impureté. Ahmed, rahimahullah, il voit que cela est interdit. Il est interdit de prier dans le cimetière. Ici, on parle du cimetière, même le cimetière musulman, parce que l'auteur, il nous dit qu'il est interdit de prier dans les cimetières des non-musulmans. Il est interdit de prier dans les cimetières des polythéistes. Il le dit tout à l'heure. On va le voir, Inch'Allah. Ou alors, on lit tout. Il dit aussi, l'auteur, il est aussi interdit de prier dans les endroits où sont rassemblées les ordures, dans les abattoirs, les cimetières des polythéistes et leurs églises. Et donc, on comprend de cela qu'il est permis de prier dans les cimetières des monothéistes, les cimetières des musulmans. Ça, c'est l'avis de l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'avis d'Al-Malikiya. Et donc, l'imam Ahmed, rahimahullah, il voit que cela n'est pas permis. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Fela tattakhidul kubur amesajid » Ne prenez pas les cimetières comme lieu de prière. Et aussi parce que les lieux, donc les cimetières ne sont pas des lieux qui ont été mis en place pour la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le fait de prier dans les cimetières, cela peut entraîner le polythéisme majeur par la suite. D'accord? Le fait de prier dans les cimetières, de se prosterner dans les cimetières, cela peut entraîner le fait de prier pour les morts par la suite. Et donc cela, il ne faut pas le faire. Abu Hanifa Shafi'i, il voit que cela est détestable. Il voit que cela est détestable. C'est pas interdit. Pourquoi? Ils disent que tous les textes qui montrent l'interdiction, ils comprennent de cela que c'est détestable, pas que c'est formellement interdit. Malik, quant à lui, il voit que cela est permis. C'est permis de prier dans les cimetières. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." La terre m'a été placée, la terre tout entière m'a été placée comme lieu de prosternation et de purification. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'école malikite, parmi leurs preuves, ils se basent sur le fait que la femme, vous avez sûrement entendu parler de la femme qui nettoyait la mosquée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est morte, les compagnons n'ont pas dit cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, le prophète, il est allé jusqu'à sa tombe et il a fait la prière mortuaire sur sa tombe. Et donc, les savants de l'école malikite, ils se sont basés sur cela pour dire qu'il est permis de prier dans le cimetière. Mais par contre, ils disent qu'il n'est pas permis de prier sur le mort lorsqu'il a été enterré. Et donc, ils se contredisent. Et comment est-ce qu'on réplique à cela? C'est simple. C'est que ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière mortuaire dans le cimetière. Et la prière mortuaire, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de prosternation. C'est une prière mortuaire. Et donc, on ne peut pas appliquer la permission qui a été faite pour la prière mortuaire pour toutes les autres prières, alors que le prophète a interdit de prier dans le cimetière. Et donc, l'avis le plus juste ici, c'est l'avis de l'école Maliki, de l'école Hanbalite. Il n'est pas permis de prier dans les cimetières. Concernant le fait de prier dans les églises des polythéistes, les églises des chrétiens, est-ce que cela est permis ou pas? Alors, l'imam Malik, rahimahullah, il voit que cela est détestable. L'imam Ahmed, rahimahullah, il voit que cela est permis. Par contre, il a été rapporté d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, que cela est interdit s'il y a des images dans ces lieux-là. Des statues, etc., etc. Et donc, à partir du moment où il y a des statues, des images, cela est interdit. Il a été rapporté dans le Moussad 9 de Abd al-Razzaq que Omar, radiallahu anhuma, a été invité à un repas, Omar radiallahu anhu a été invité à un repas dans une église. Et c'était un des nobles, justement, une personne qui était respectée dans le Chem. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, « Inna la nadkhulu kana isakum min ajli suwari allati fiha. » Nous ne rentrons pas dans vos églises à cause des images qu'elles contiennent. Nous ne rentrons pas dans vos églises à cause des images qu'elles contiennent. Et donc l'avis le plus juste, c'est que non, le musulman ne rentre pas là-dedans. Il ne rentre pas dans les églises, même pour la prière. Non. On peut faire des temples alors. On peut faire des temples. Est-ce qu'on peut prier dans les temples évangélistes parce qu'il n'y a pas d'image? Si tu n'as pas d'autre lieu pour prier, là je veux dire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bismillah. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, l'homme peut prier, l'homme pour prier doit avoir au minimum un vêtement, une pièce qui le couvre comme une tunique ou un rida. La tunique est un tamis. Il est détestable de prier avec un vêtement en ayant des épaules découvertes. Ici, barakallahu fikoum, ce qui est voulu par l'épaule, c'est ici, c'est, ce n'est pas l'épaule en elle-même, mais c'est le trapèze. Al-atiq, c'est ce qui se trouve entre l'épaule et la nuque. D'accord? C'est ce qu'on appelle Al-Atiq. Et donc, celui qui va avoir un débardeur qui ne recouvre pas correctement Al-Atiq, ici, ça va, on va rentrer dans l'interdiction, on va voir bi'idnillahi ta'ala si la prière elle est valable ou pas. Et donc, premièrement, il est permis de prier avec un seul vêtement. Un seul vêtement, mais le mieux, ce qui est préférable, c'est de le faire avec deux vêtements. Ibn Khuzayma, il cite dans son Sahih que Nafi'a Ibn Omar l'a vu et il lui a dit, ne t'ai-je pas donné deux vêtements? Il a dit, bien sûr, donc oui, tu m'as donné deux vêtements, parce qu'il priait avec un seul vêtement. Alors là, Ibn Omar, il lui a dit, vois-tu, si je t'envoyais pour aller faire quelque chose, est-ce que tu serais parti avec un seul vêtement? Il a dit non. Alors là, Ibn Omar lui a dit, radiallahu anhuma, inna allaha ahakku antazayyana lahu. Allah mérite plus que tu t'apprêtes pour lui. Allah mérite plus que tu fasses attention à tes vêtements pour lui. Et ça, c'est une mauvaise habitude qu'on prend. Les gens, ils vont à la mosquée en pyjama. Les gens, ils vont à la mosquée dans des tenues qui ne sont pas correctes, etc., etc. Et Si aujourd'hui on te dit que tu dois aller voir un haut responsable politique non musulman, tu vas faire attention à ta tenue vestimentaire. Pour un seul vêtement. Et donc ici, concernant le fait de prier avec un seul vêtement, ça va être un hizar que tu prends ici, que tu remontes. Pour si tu n'as pas de... Parce que, en fait, il est permis d'avoir les épaules découvertes si tu n'as pas d'autres vêtements. Si tu n'as qu'un hizar pour prier, pour la prière. Et donc là, dans ce cas-là, tu es dans un cas de nécessité. Si tu n'as pas. Si tu n'as pas. Maintenant, si tu as et que tu peux faire utiliser ce seul grand vêtement pour le mettre autour de toi, etc., tu peux le faire. Mais tu n'as qu'un seul vêtement, tu peux le faire, c'est permis, mais c'est mieux d'utiliser deux vêtements. D'accord ? Un vêtement pour le haut, un vêtement pour le bas. Toyib, la majorité des savants, ils voient que la personne qui prie avec les épaules découvertes, alors sa prière est valable. L'imam Ahmed, rahimahullah, il voit que la prière n'est pas valable par rapport à l'interdiction, comme cela a été cité dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yusalliyanna ahadukum fi al-thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay » Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun d'entre vous ne prie dans un seul vêtement sans rien avoir, quoi que ce soit, sur son atiq. Al-atiq, comme j'ai dit, c'est bien le trapèze ici, c'est ça? Comme ça que ça s'appelle, hein? Tout ça, normalement. Wallahu alam. Donc, entre l'épaule et la nuque, le trapèze. Et donc, par rapport à cela, donc, il est important qu'on fasse attention aux chers frères, lorsqu'on prie, à couvrir nos épaules. Celui qui le fait, est-ce que sa prière est valable ou pas? Donc, comme j'ai dit, l'imam Ahmed, il voit que la prière n'est pas valable. Et la majorité, il voit que cela est détestable. Et donc, il voit que la prière, elle est valable. Il voit que la prière est valable. D'autres savants vont voir qu'il est pécheur, mais que la prière n'est pas valable. Qu'il est pécheur, mais que la prière est valable. Il est pécheur, mais la prière est valable. Et là, moi, ce que je recommande aux gens, de ne pas tomber dans cette divergence. Ne tombe pas dans cette divergence-là. L'imam, il nous baise, il dit, celui qui prie comme cela, il refait sa prière. Il dit, refait sa prière. Ne tombe pas dans cette divergence-là. Mets un vêtement correct pour prier. Ça ne coûte rien. Voilà. Et pour finir, donc, concernant la femme, l'auteur qui nous dit « Et le vêtement accepté pour la prière de la femme est au moins une tunique épaisse et longue qui couvre le dessus de ses deux pieds et un voile avec lequel elle se couvrira. Hein? » C'est pas comme on voit aujourd'hui la femme qui va prier et les deux pieds qui sont dehors. Ou alors la femme qui va prier en pantalon, etc., etc. Ou la femme qui va prier avec des vêtements qui ne sont pas amples. Tout ça, ce n'est pas permis. Tout ça, ce n'est pas permis. Et donc on voit que l'homme, il a une tenue qu'il doit respecter durant la prière. Même chose par rapport à la femme. Elle a une tenue qu'elle doit respecter pendant sa prière. Et donc, il nous dit l'auteur, rahimahullah, durant la prosternation, elle touchera directement le sol avec ses paumes de main, comme pour l'homme. La majorité des savants, barakallahu fikoum, ils voient que la femme, elle doit couvrir, elle doit tout couvrir, sauf le visage et les deux mains. Même les pieds doivent être couverts. Ça, c'est la majorité des savants. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « El mar'atu awratun ». Ça veut dire quoi, El Mar'atu Awra? Awra, c'est la particularité. La partie qui doit être couverte. Ça veut dire la femme doit être couverte. Toute la femme. Sauf les exceptions qui ont été faites pendant la prière, le visage et les deux mains. Et donc, à partir de là, la femme, elle se couvre et elle fait en sorte que ses pieds soient couverts durant la prière. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui, il voit que non, elle peut découvrir ses pieds durant la prière. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. L'avis le plus juste, c'est l'avis de la majorité. La preuve, elle est claire et éclatante. El mar'atu awratun. Et donc là, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça. Nos sœurs, il faut qu'elles fassent attention. Nos femmes, il faut qu'elles fassent attention. Nos filles, il faut qu'elles fassent attention. Même lorsqu'elle est toute seule chez elle. Elle est toute seule chez elle, les pieds doivent être couverts. Les mains, ça c'est une exception. Là, on a eu une exception dans la sunna qui a permis que la femme, durant les mains et durant la prière, les mains et le visage ne sont pas couverts. Et donc ici, barakallahu fikoum, on a ce sujet qui est important concernant la tenue qu'on doit avoir durant la prière, que ce soit l'homme et la femme. Et d'ailleurs, on va continuer à aborder ce sujet, les tenues que nous devons avoir, que ce soit l'homme ou la femme, demain, inshallah ta'ala, avec la risala de l'imam As-San'ani concernant l'interdiction de l'isbel, rahimahullah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.